sont des couleurs avec lesquelles on vibre. Le style enivre, le fruit la vigne. L'alcool nous fait fuir la rive. Le son résonne, les sirènes arrivent, l'éclat d'un tir m'a rendu plus mature. Le dégoût après l'acte sexuel quand j'éjacule, parce que ma couleur diffuse crainte parmi les bourgeois. La culture aimerait tout voir, le café que j'exporte n'a aucun pouvoir. Gosse des îles désertées pour la richesse, c'est pas des noix de coco en métropole qu'on viscère. Mon ambiance, ma salle de sport et ma cave, ma danse et ma cave, mon chien à ma cave. Sombre à l'extrême, les balles que l'on extrait de ma chair font si mal qu'électriques sont les chaises réservées à tous mes frères. Comme leurs prières sont les scènes, poussent comme des mauvaises herbes dans le bitume parmi les champs de zèbre. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, taf sont être en grève. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, taf sont être en grève. La couleur grise se disperse. Le cellule grise perd l'orifice, sa graisse en caisse. En caisse sans cesse. Transgresse règle, pas intègre, notre pègle, la thèse. On perd la tête, enterre la paix. Loin de mourir, à perd la chaise, déterre la paix. Mon père, ma terre, ma mère, ma terre, libère ma terre. Ma couleur, mon libérateur, le thème appelle à terre mes peurs. Douleur et peine, enterre mes frères à terre. Le mal nous tient à cœur, les frères en font les frais quand tord le fer. Des lourdes peines, ça fait un drôle d'effet. Comme nos sons crimes sur la borne des faits. On se fait crier, mon cortège prie. Martin Scorsese dans nos songes. La vérité revendiquée de nos sons. L'arme à la main, jamais à l'œil. Même en état de deuil. Les phases entravent, les règles. Ma couleur entasse les grèves. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Sans graine et progrès, ta foi est en grève. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Sans graine et progrès, ta foi est en grève. Ma couleur ne fasse-t-elle une fleur. Infâme comme profane ou pas une femme. Nos plans fans du ferme dans ce verre. Infâme rôle, fable, Lucifer, rôle de méchant. Alléchant ma team dans l'incandescence pour peu tout des centimes. Dans ce mallette nous abrite enquête des prêts, des strass pour des grosses mallettes. En obtention des crimes, des palettes vides. La guillotine vide dans mon rive, y'a trop d'îles et deuils. Aucune orgueil, ne pleure devant un cercueil. Ma rue trop de péripéties, des sirènes que sur nos péripéties. Mon récit, ma cap projet, illicite, tragique mon trajet. D'emblée Dieu, je veux ressembler au Dieu. Malsain au Dieu pour du blé, la pourtant sirène dans la ville. Sans importance, je mène cette vie. Content, banque vide, mais pur content, une villa. Ma couleur contente cette vie-là. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, ta foi est en grève. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, ta foi est en grève. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, ta foi est en grève. La chance crève, mauvaise gangrène ancrée. Ma couleur est bien foncée, poussant de l'engrais. Ma couleur, les lois transgressent sans rêve. Prends graine au progrès, ta foi est en grève.